J'ai réussi un concours dans la fonction publique. À l'annonce des résultats, j'étais limite euphorique. Pour ce boulot, j'ai dû m'éloigner de tous mes amis. Ça faisait quand même 6 ans que j'étais au RMI. Je n'en glande pas une, mais quelle misère côté thune. C'est pas la fortune, l'impression de bosser pour des prunes. Des impôts 2 fois par an, plus d'allocations logement, finalement, c'est à peine si j'ai plus d'argent qu'avant. Je rêve de vacances welbeckiennes thaïlandaises, avec une fille chaude comme la braise. Tout le reste, c'est vraiment de la foutaise. Car les vacances réussies sont celles où l'on baise. Les factures, sans compter le budget alimentaire, je rame pour payer le crédit de mon propriétaire. 7 semaines de vacances par an, c'est de la chance. Mais cet été, j'irai sûrement encore chez ma mère, à Lens. Je suis fonctionnaire nanti, qui mange des pissenlits, quand dans le placard, il n'y a plus de riz ou de raviolis. C'est inconvenant d'inviter au restaurant ma conseillère financière quand elle m'appelle pour un dépassement de découvert. Je suis fonctionnaire nanti qui a tout lu Dostoïevski. Mon train de vie est au ralenti, impossible d'aller au ski. Au salon de l'auto, je suis monté dans une Lamborghini. J'ai un crédit à rembourser pour payer mon Austin Mini. Devant ma mère, j'exhibe mes chaussures trouées, une chemise tachée, un jean déchiré pour l'amadouer. Elle a honte de son fils, elle me file 100 euros pour m'habiller décemment, pas comme un clodo. Je rêve de vacances welbeckiennes thaïlandaises, avec une fille chaude comme la braise. Tout le reste, c'est vraiment de la foutaise. Les vacances réussies sont celles où l'on baise. Pour séduire une jolie fille, je suis trop crétin. C'est toujours à d'autres qu'elles donnent leur main. Soudain, je pense à être écrivain, à écrire un bouquin, en dissimulant mon côté malsain. Mais j'arrive à rien. À la cantine, un de mes collègues m'a demandé si j'avais une copine. J'ai répondu immédiatement d'un violent coup de tête dans la poitrine. Mon médecin m'a mis en arrêt maladie et depuis le lundi, je parle à un psy. Il dit que je prends un très grand plaisir à gémir et à me plaindre de mes ennuis. Il a sûrement pas tort, monsieur Trésor, je ne vis pas dans une HLM. Mon boulot, il y en a des millions qui voudraient avoir le même. Grâce aux séances, j'ai compris, et ce n'est pas un trait d'humour, que les vacances réussies sont celles où l'on se suicide le premier jour.